Stéréo, Escamicaze, Sopic, Chicano, Malfaiteur, Dassi, pour la nette, X-Vibes, 91, j'avais su. Ouais. 77, si j'avais su. GTA, GTA, verdict, verdict, 2005, 2006, on est là, on est là. Yo, yeah. Et yo, si j'avais su qu'au dessus de ma scène que le malheur a pris, t'es chez l'air abruti, je vis de broutilles et 2000 repris. Si j'avais su, pour grailler, je fais le vautour autour des banquets. Si j'avais su que l'alcool m'aurait offert un interdit bancaire, bah j'aurais jamais commencé. Mais y'a 3 ans qui s'en doutaient, je pense qu'à casser des têtes, ils ont avec assiduité. Puis j'ai pris mon appart, c'est vrai que c'est tranquille au départ. Si j'avais su que dans mes placards, y'aurait que 3 kilos de pâte. Si j'avais su, j'aurais vesqui, c'est blé. Posé chez les remparts, et c'est un cauchemar en bas. On va que ça schémar ou pas. Si je pouvais changer de verrou, je garderais ma clé de sol. Car moi le rap c'est tout ce que j'ai, ça me permet de m'éclater seul. Ah putain, si j'avais su, j'aurais pas arrêté l'école. Les diplômes c'est le kérosène pour que ton avion décolle. Si j'avais su, j'aurais dit non à l'alcool. Non au shit, mais vite, la drogue a pris le monopole. J'aurais pas déconné, mais j'ai fini au poste. Déféré au parquet plus vite qu'un courrier chronoposte. Oh mauvaise posture. Si j'avais su, j'aurais écouté maman qui me disait mon fils, faut que tu bosses dur. Si j'avais su, j'aurais mieux réfléchi, mais j'avais bu pour m'évader parce que le 9-1 c'est trop chim. Du coup la vie ça me fait chier, et puis le chétan fléchit. Mais trop tard pour les regrets, ça y est j'suis fiché. Au regret quand je pense à mon sens, les erreurs font l'expérience. Avec des si c'est pas comme ça qu'on avance, on efface, on recommence. 10 ans après ça fait mal de prendre conscience des causes ont leurs conséquences. Avec des si c'est pas comme ça qu'on avance, on efface à le bon sens. Ok, GTA, t'as pas le mental mon gros. Ok, si j'avais su gros, j'aurais investi dans une bouée. Pour Vesky, la noyade sur mon banc, j'ai resté cloué. Pas comme Jésus Christ, mais plutôt comme bricoleur. Sans piquer ce qu'un flic, je sens S en bicolore. Si j'avais su mon gros, je me serais réveillé un peu plus tôt. Mais je garde le mental et le sourire comme Pépito. C'est pas pour ce motif que j'irai atterrir la qualité. Les idées sur la lune, donc ne connaissent pas la gravité. Sopic, Balta, Zar, les pieds sur terre. Je rappe avec le cœur, soutenu par l'épaisse artère. Mon groupe sanguin gros, j'étais à plus qui me conserve. Envie et pas de perfusion en ce qui me concerne. Mais si, si, seulement j'avais su que c'est vers le mal que j'avançais. Ça c'est sûr, j'aurais vesqui. Les gens vicieux, les jeux risqués de genre whisky. Moi j'en vissais, j'aurais ski car j'ai dû oublier le bonheur au bled ou lors d'un séjour au ski. Au secours, je suis trop en marche, trop en retard. J'ai dû prendre le train en marche. Mais merde, de chemin on se gourre car sur la voie inverse on se gare. Si j'avais su, su, j'aurais sûrement moins traîné au square. Si j'avais su, là c'est sûr, je mériterais un Oscar. Je mériterais un Oscar. The X-Vibes, je mériterais un Oscar. Aucun regret quand je pense à mon sens. Les erreurs font l'expérience. Avec des si, c'est pas comme ça qu'on avance. On efface, on recommence. 10 ans après, ça fait mal de prendre conscience. Les causes ont leurs conséquences. Avec des si, c'est pas comme ça qu'on avance. On efface à le bon sens. J'avais su gros que ma vie irait à la va. Comme je te pousse, je perdrais tout espoir construire des choses tout au plus. J'y crois à mes projets, peu importe l'investissement. Du sud à capitale, on y va gentiment. Si j'avais su gros que l'œil des jaloux nous surveillait, j'aurais gardé en sécurité ma vie, tous mes projets. Comme on vole les traîtres, ils marcellent comme toutes mes ex. La chance m'a dit mes ailes patientes, même dans la misère. Si j'avais su que se presser voulait pas dire en vouloir, j'aurais pris gros mon temps dans de nombreuses histoires. Et si j'avais su me font voir mes erreurs, et je prends juste conscience que je suis loin d'être heureux.